بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتي. فنبدأ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في هذه الدروس في مناسك الحج والعمرة في ضوء الكتاب والسنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نيميرو 3. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل في هذه الدروس بإذن الله عز وجل في شرح مناسك الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة. Et le dernier cours, on avait vu ensemble حكم الحج et أدلة الكتاب والسنة وإجماع العلماء. Il démontre أن الحج c'est واجب une fois. مرة واحدة في العمر، au moins une fois dans sa vie. فplus d'une fois كما جاء في الحديث فتطوع. أي c'est pas obligatoire, c'est recommandé. ومن الأدلة كذلك أن الحج من أركان الإسلام، وأركان الإسلام واجب. كذلك on a vu ensemble un chapitre important et ses شروط، les conditions. فأنا vu أن من شروط الحج الإسلام والعقل. الإسلام ça fait sortir le كافر. الشرط العقل ça fait sortir المجنون، celui qui a plus de عقل. البلوغ ça fait sortir الصبي، l'enfant. Et on a vu des مسائل أن son حج il est صحيح، أي il est مأجور لكن لا يغني عن حجة الإسلام. فإذا بلغ واجتمعت فيه الشروط فيحج حجة الإسلام. On a vu كذلك من الشروط الحرية ça fait sortir العبد أو الأمة. Et on a vu الاستطاعة أي القدرة. Et الاستطاعة ça englobe القدرة أو الاستطاعة المالية والبدنية. Et كذلك on a vu أن من الاستطاعة أمن الطريق. أمن الطريق نعم. Et on a rajouté المحرم للمرأة. Tout ça, walillah alhamd, on l'a détaillé dans le dars précédent. Baqi une mas'ala wa hiya hal al-wujub. Alors on a compris que ces shurut idha ijtama'at ça devient obligatoire pour le musulman de faire le hajj. Fa est-ce que cette obligation hadha al-wujub ala al-fawr am ala al-tarakhi? Et ça c'est une mas'ala qui cite ahl al-usul. أي أسك الوجوب على الفور أم على التراخي؟ الفور سي immediately، التراخي سي par le temps plus tard. مثلا celui qui a ses شروط qu'on a cité أمس، il est capable، il a la capacité، il a de l'argent، il est en bonne santé، etc. المهم il peut faire le hajj. Est-ce que le hajj il est obligatoire على الفور؟ ça veut dire que مثلا نحن on est fi shahr dhil qa'da al-an. Est-ce que c'est obligatoire pour lui qu'il fasse le hajj qui arrive ay dhul hajj cette année 1436, ou il peut attendre l'année d'après ou dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans? Fa mafhoum al-mas'ala. Al-an est-ce que il est ala al-fawr am ala al-tarakhi? Qala al-imam al-faqih محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه قال في كتابه النافع شرح الممتع قال يجب أداؤهما أي الحج والعمرة على الفور إذا تمت شروط الوجوب. إسساء القول الصحيح. قال والدليل على ذلك ما يلي. الآن القول الصحيح سكس على الفور. Tu n'as pas le droit de retarder si t'as le قدرة. لماذا؟ أولا يقول شيخ العثيمين رحمة الله عليه أولا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. Et des autres adillah qu'on a vu في الأمر il y a un ordre. قال الشيخ العثيمين يسيتنا الدليل كذلك حديث أبي هريرة يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. Donc il cite deux adillah، واحد من القرآن وواحد من السنة، les deux il y a un ordre. de faire le hajj. قال شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه والأصل في الأمر أن يكون على الفور. Ça c'est une qaïda. اختلف فيها الأصوليون لكن الصحيح c'est هذا. C'est ça l'asl. Sauf si une qarina, il y a une chose qui démontre que c'est pas على الفور. لكن الأصل, c'est pour ça que شيخ ابن عثيمين قال والأصل. فالأصل la base c'est quand on a un ordre في الكتاب أو في السنة, on doit faire cet ordre le plus rapidement possible. Quand on a les shorouts, bien sûr. قال والأصل في الأمر أن يكون على الفور. Il va citer الدليل على هذا ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية حين أمرهم بالإحلال وتباطؤوا. أي النبي صلى الله عليه وسلم, الحديث اللي معروف, حديث في صحيح البخاري, أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالإحلال. Quand ils sont partis, غزوة الحديبية. أمرهم بالإحلال وتباطؤوا. Et معروف الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم il est rentré عند إحدى زوجاته فيما أذكر أم سلمة رضي الله عنها. Et elle a vu qu'il s'était énervé عليه الصلاة والسلام. Ça montre أن الأمر c'est le فور. على الفور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ça serait, ils auraient eu le temps d'appliquer cet ordre. Il ne serait pas énervé, alayhi salatu wasalam. Falihada, Umm Salama, radiyallahu anha, qalat, elle a dit au prophète, sallallahu alayhi wasalam, et ça montre zaka, Umm Salama, radiyallahu anha, elle lui a dit, ya Rasulallah, fais al-ihlal ant, aïe, il se rase les cheveux, sors, ils vont tous te voir, et ils vont faire. Wa hakada, al-Nabi sallallahu alayhi wasalam, il a fait, ahalla, il est sorti, ils l'ont vu, les sahaba, ils ont tous fait comme lui. Al-shahid anna nabi sallallahu alayhi wa sallam ghadiba. Ça montre que l'amr, c'est ala al-fawr. Kama dhakara al-shaykh al-Uthaymin wa jama'atun min ahl al-ilm. Min al-adilla kathalik, ou parmi les choses que shaykh al-Uthaymin cite pour démontrer anna al-wujub, c'est ala al-fawr. Qala anna al-insan la yadri ma yu'arad lah. Faqad yakoun al-an qadiran wa fil mustaqbal ajizan. Et ça c'est un qawl tayyib qawi. Anna aujourd'hui, akhil karim, t'es en bonne santé, t'as de l'argent, t'es capable. Fama tadri, qu'est-ce qui va se passer demain? Fabad al-nas, ils ont repoussé le hajj, ils ont repoussé le hajj. Khasatan ta'lamoun, indana al-awam, ils ont une fikra, anna le hajj c'est que pour les vieux. Hada c'est pas sahih, y'a aucune hujja ala hada. Shara'i' al-islam, c'est pour jami' al-muslimin. Qu'il soit jeune, vieux, homme, femme, tout le monde est concerné. Sauf l'enfant, le majnoun, comme on a vu. Amma, le jeune, 20 ans, 30 ans, 40 ans, là, chacun d'eux, c'est wajib alayh. Fana'am, kam minan nas, on disait, annahum, ils ont retardé le hajj, plus tard, quand je serai vieux, plus tard. Fumma, abtuliya bi marad, ou bi faqr, et il meurt, et il n'a jamais fait le hajj. Wahada fil haqiqa, il a délaissé un wajib azim, ben un rukn min arkan al-islam. فالنصيحه c'est celui qui a les moyens il se précipite لهذا affaire هذا الخير فلهذا قال شيخ ابن عثيمين رابعا لان الله امر بالاستباق الى الخيرات فقال فاستبقوا الخيرات. المسلم normalement il doit avoir cette niya, se concurrencer dans le khair. Tout le monde fait le hajj et هو il reste hakada inactif, il bouge pas. Abadan. Tu fais des efforts. وَتَسْتَبِقْ إِلَى هَذِي الْخَيْرَاتِ. Les musulmans, chaque année, des milliers, des millions, ils font le hajj. Et Inch'Allah, ils profitent de ces jours, de ces récompenses, etc. وَأَنْتَ t'es toujours en arrière. Là. فَاسْتَبِقْ الْخَيْرَاتِ. قَالَ شَيْخُ ابْنُ عُثَيْمِينَ أَوْ نَعَمْ أَوْ ذَكَرَ. Donc, c'est quelques points qu'on a cités pour démontrer أن الوجوب c'est على الفور. Donc, celui qui a les shorouts, Al-Hajj c'est obligatoire et il doit le faire. Quand il a les shorout, le Hajj suivant, c'est wajib alayhi qu'il fasse ce Hajj. Fa ihdar, akhi al-karim, an tuqaddim mata' al-dunya ala hadhihi al-ibad al-azim. Kassiyaha mathalan. Ba'da al-muslimin, as'alullah subhanahu wa ta'ala yahdi al-jami' rubbama il a visité 2, 3, 4, 5, une dizaine, une vingtaine de pays hors de son pays d'origine pour des vacances et il n'a jamais fait le hajj. Famit le hadal an, il est al-khatr. قال الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من حقوق الله عز وجل عليك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال الله عز وجل. شوف الحج c'est واجب عليك. ثم le fait de visiter un pays muslim et s'écarter des ma'asi, rester dans le halal, etc. c'est pas haram, c'est des choses mubaha. لكن perdre son temps à droite et à gauche, خاصة هذه السياحة, 90% ou plus, c'est du muharram. C'est des endroits où il y a du haram. Imma il y aura de la musique, imma il y aura des images muharrama, imma il y aura de la mixité, imma ils délaissent la salat, imma ils sont entourés de gens, ils ne sont pas taïb, imma. Ma'rouf hada. Ma'a anna celui qui a visité Bilad al-Haramayn et il fait le hajj et il fait l'umra, c'est min ahsan ma yakoun. C'est min ahsan ma yakoun que ces pays, la plupart, ils sont à la ma'asi. Et on ne parle pas de ceux qui visitent Bilad al-Kufr ou al-Fisq. Fahdar akhil karim. Ihfad Allah yahfadka. Kadhalik, et on a fait une ishara, la taltafit. Il a qawl ou man yantakid alayk, parce que tu es jeune et tu es motivé et tu veux faire le hajj. Et ba'dahum yaqul, comment tu fais le hajj alors que ton père il n'a pas fait le hajj? C'est un kalam farig. Les nations ne vont se battre. Si ton père ne fait pas salat, tu ne fais pas salat. Si ton père ne fait pas siyam, tu ne fais pas siyam. Si ton père ne fait pas le hajj, tu ne fais pas le hajj. T'es un makhlouk, t'es mukallaf, t'auras des comptes à rendre. Et kullu nafsin bima kasabat marahina. Hada ma yata'allaq bil wujub. Fal hajj li wajib. Aliyoum, on commence. Fi sifat al-umrah. Fanaqul, wa billahi al-tawfiq. صفات العمرة مجملا. Avant de détailler, on cite صفات العمرة مجملا. بل قبل ذلك اعلموا ووفقنا الله وإياكم أن المناسك ثلاثة. أي la façon de faire le hajj, t'as trois façons, t'as trois manières. العلماء il les cite دائما quand ils expliquent sifat al-hajj ou al-umrah. Et ces trois catégories, c'est al-qiran, ou al-ifrad, ou al-tamattu. Et nous, min bab al-fa'ida, on va citer une définition de chaque. Lakin, la plupart des gens, ceux qui viennent d'Europe, du Maghreb, etc., en dehors de al-mamlak al-arabiya al-saoudiya, ils font al-tamattu. Et vous allez comprendre plus quand on détaillera qalilan. Amma al-qiran huwa an yahilla al-hajj bil-umra wal-hajj jami'an min al-miqat fi ashhur al-hajj fi ashhur al-hajj. Et ashhur al-hajj c'est Shawwal wa Dhul-Qa'dah wa Dhul-Hijjah. Fa hadha saniya wa al-ihlal c'est bil-hajj wal-umra les deux. Contrairement à Al-Mutamatti' nous, on va mettre au départ, on va faire l'Umrah. C'est tout. Et après, on va sortir min hada al-Ihram. Thumma, on va refaire al-Ihram pour le huitième jour de l'Hijjah, on va faire l'Hajj. Amma hada là, il fait les deux. Al-Hajj ou al-Umrah. Quand il arrive au Miqat, yulabbi avec les deux. Al-Hajj ou al-Umrah, il s'aniya, c'est les deux. Fatadkhul a'mal al-Umrah. في أعمال الحج أي نعم إلى أن عمرك يغنط أعمال الحج فيكفي لهذا طواف واحد وسعي واحد ويبقى على إحرامه حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. هذا سأل قران يحل يوم النحر قمنوا سكفوا التمتع لكن هو يحل دي دو من العمر والحج. ça veut dire que اسمي مثلا s'il va tout de suite, Matalan, s'il va aujourd'hui, on est Dhul-Qa'dah, et il fait le Hajj al-Qiran, il se met en Ihram, et il attend jusqu'à Yawm al-Nahr, le 10 de Dhul-Hijjah, pour enlever l'Ihram. Enfin, sa période d'Ihram, hada, elle va être longue, par rapport au jour où il commence l'Ihram. Hada, c'est al-Qiran. Le deuxième, l'Ifrad, ou à أن يهل الحاج بالحج مفردا من الميقات في أشهر الحج ثم لا يحل حتى ينتهي من أعمال الحج وليس عليه هدي. هذا الإفراد إلى بعد عمره يفك الحج. هذا الأفضل سيدفير. On va voir un afdal al-ansak al-thalat, c'est al-tamattu, le nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé ses compagnons et il espérait le faire. Lakin al-ifrad hada, al-ajr il est aqal. C'est pour ça que les ulama yansahoun, oui, al-tamattu. Al-an al-tamattu, et c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on va détailler nous avec nos durous, an al-hajj yabda bi ada'i umrah, il commence par faire une umrah, mufrada. من الميقات في أشهر الحج bien sûr cette condition مثلا la plupart des gens الآن ils vont une semaine avant deux semaines avant deux jours avant المهم quand t'arrives à Mecca tu fais l'umra c'est ce qu'on va expliquer ce fait l'umra Inch'Allah on va commencer aujourd'hui quand tu finis ta umra pour donner un aperçu à ceux qui n'ont jamais été au hajj ou ils n'ont jamais fait l'umra les rafs al-haqiqa c'est durous دروس الحج مناسك الحج والعمرة pour celui qui a déjà fait le hajj c'est très simple il y en a il a des repères il sait comment ça se passe à peu près فهذه دروس c'est عبارة عن فوائد et ça lui rappelle des choses فإلى arrive très vite à se repérer لكن celui qui a jamais fait le hajj والعمرة au départ ربما يتعب ربما لا يفهم بعض الكلام الآن qu'on dit il n'arrive pas à se repérer il y en a il n'a jamais vu والأمر سهل l'essentiel prend bien tes notes Si tu comptes faire le Hajj ou l'Umrah, et on te conseille d'écouter des fatawas de Ahl al-Ilm, d'écouter des durus sur le sujet, Inch'Allah, ça va t'éclairer beaucoup. Et kadhalik, on te conseille, si tu peux, il y a un proche ou un akhma'ak tayyib, et tu restes avec lui et il te montre, il t'aide, Inch'Allah, yahsul khayr. Al-Muhim, al-Nahada, il fait une Umrah quand il arrive à Mecca. Bien sûr, fi Ashur al-Hajj. On a dit maintenant, la plupart des gens viennent une semaine avant, maintenant. Une semaine avant le Hajj, au début de l'Hajj. Il arrive à Mecca, il fait l'Umrah. Et on a dit, taqriban, il en a pour une heure et demie, deux heures. On va dire entre une heure et deux heures. Ça dépend du nombre de personnes, etc. Est-ce qu'il est tout seul, Amla? Est-ce qu'il y a du monde, Amla? Al-Muhim, il fait sa Umrah, qu'on va détailler, Inch'Allah Ta'ala. Quand il a fini la Umrah, il enlève l'Ihram. Ayyuhil, ayy devient halal. Tout ce qui est interdit pour le muhrim, c'est plus interdit pour lui. Et il attend, et il est dans une période normale, il n'est plus en état d'ihram, et il attend jusqu'au jour du hajj, le huitième de l'hajj. Et il refait l'ihram pour le hajj. C'est ça, al-tamattu. Et c'est afdal al-manasik. Kama bayyana ahlul ilm. Qala, qala fi ashhur al-hajj wa hiya shawwal wa dhul-qi'da wa dhul-hajj. ناويا بها عمرة التمتع فإذا فرغ من أعمال العمرة est-ce qu'on a précisé ça dure à peu près une heure et demie et on va aller voir أعمال العمرة il se met en état d'ihram il fait الطواف أي autour de la Kaaba il fait السعي entre Safa et Marwa il se rase les cheveux pour l'homme ou il قصر ou il diminue et pour la femme on verra que elle coupe une mèche فقط après هذا خلاص c'est la fini العمرة c'est très simple Une heure et demie, deux heures, ou Inch'Allah, c'est fini. Bien sûr, avec les a'mal qu'on va citer, les sunan. Qala, fa'idha fariga min a'mal al-umra, ahalla wa fa'ala ma yaf'ala al-halal, hatta idha kan waqt al-hajj min a'amihi. Bien sûr, l'année. Amma wahad, il fait l'umra, mathalan. Thumma, il fait l'umra au début de l'hijjah. Comme pour une raison quelconque, il rentre dans son pays, il revient le Hajj pas de cette année, de l'année d'après. Fahada là, on lui dit refait l'Umrah et il fait le Hajj. Qala min amihi ahalla bil Hajj wa alayhi al hadi idha fariga min al Hajj. Et tout ça on y verra en détail. Fahada an-naw' min an-nusuk huwa afdal al anwa' al-thalat. Wa qad amara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ashabahu bihi wa tamanna sallallahu alayhi wa sallam annahu tamatta'a bil Umrah ila al Hajj kama fi as-sahih. On précise, on a la yambari, on a dit l'ilhaj, an yahuj mufridan li anna l'ajra fi dhalik aqal mimma qabla. Ça c'est un tambih de Cheikh Mohammed ibn Hizam. Waffaqahu Allah ila une matouya, a une petite risala qu'ils ont fait sous forme de livret, et elle est nafia, fi sifat l'ilhaj wal umra, et

فالله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ويغتسل للإحرام وهذا الغسل مستحب وليس بواجب. ثم يلبس المعتمر. On va voir plus tard que Cheikh Mohamed il va citer un, dans un cas tu peux le faire avant. مثلا ceux qui prennent l'avion et ils font l'ihram dans l'avion. Et ça arrive. Il y en a l'avion il passe et en général les voyages organisés etc ils préviennent hada. Annahu avec l'avion il passe vers le miqat le plus proche. Enfin, tu dois te mettre en état d'ihram et t'es dans l'avion. ففي هذا الحال من الصعب الاغتسال في الطائرة et se changer etc. تعلمون أن y a pas assez de place. ففي هذا الحال tu as le droit de mettre la tenue de l'ihram et قبل ذلك de te laver etc. comme on va voir avant d'arriver au miqat. L'essentiel في الميقات يا إخوان qu'il faut comprendre c'est que de ne pas le dépasser sans avoir mis un niyya comme on va voir dire labbayk allahumma bi umrah. L'essentiel c'est de ne pas dépasser al-miqat sans avoir mis cette niyya et avoir prononcé هذا الإهلال allahumma ou comme on l'a dit labbayk allahumma bi umrah. هذا أما se laver et mettre l'ihram, l'izar ou l'rida, هذا الأفضل في الميقات, et si tu le mets avant, فلا بأس. ثم قال ثم يلبس المعتمر إزارا ورداء ويجب عليه أن يتجنب جميع الألبسة التي فصلت على قدر عضو معين وهو ما يسميها الفقهاء بالمخيط. ثم quand tu te laves الحاج أو المعتمر إما ستعبي الإزار والرداء الأفضل سكسوا نظيف ينسوع الأفضل سكسوا أبيض ويجتنب جميع الألبسة التي فصلت على قدر عضو معين أي كم السراويل أو لسوفتمان أو لتيشيرت التيشيرت par exemple c'est un vêtement. Il a été conçu, il a une forme, c'est pour que tu le mettes. Et la forme de ton torse. Enfin, tout ça, c'est mamnou' pour Al-Muhrim. Al-Muhrim, il met un izar ou un rida. Hatta les sous-vêtements, comme huwa ma'loum, ça rentre fi hada. Bien sûr, tout ça, comme a qala l'imam Ibn Abdul Barr, rahmatullah alayhi, ajma'u ala anna al-murad biha al-dhukur dun al-nisa. Tout ça, bien sûr, c'est pour les hommes, pas pour les femmes. Les femmes, ça y est, elles ont un hukm à part. Elles gardent leurs habits qu'elles mettent habituellement. Fussilat ala qadri udwin mu'ayyan wa huwa ma yusammiha al-fuqaha bil-makhit. Qala fala yalbas al-imama wala sarawil. Al-imama, c'est les turbans et la tête. Que ce soit une taqiya ou autre, tout ça, la yajouz pour le muhrim. Ou sarawil. Ne pas comprendre, quand ils entendent sarawil, ils pensent que c'est ce qu'on appelle nahnou al-sirwal, les pantalons, etc. Là, ça, ils ne le mettent pas fi al-ihram ou fi al-ihram, c'est min libas al-kuffar. Là, sarawil, c'est ce qu'on appelle nahnou al-sirwal al-arabi, qui mettaient les arabes. Et là, il est mashrou. Ça fait partie de nos coutumes et de notre din. Amma al-sirwal, ce qu'ils appellent le pantalon, fahada, c'est haram. Fait l'ihram, la shak, il ne peut pas mettre hada. Et fait l'ihram, كذلك. Man tashabbaha bi qawmin, fahuwa minhum. Fait le muslim, y'attaz, bi din. Et son exemple, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Fatata'adjab, kam min al-muslimin, ils mettent ce libas al-mukhzi, l'aura, tu vois la forme de l'aura, etc. Et il n'y a aucune haja, mais c'est haram. C'est haram. On a fait cet tambih, il y en a, beaucoup ils peuvent entendre sarawil, et ils comprennent que c'est interdit fait l'ihram, donc c'est autorisé quand ce n'est pas l'ihram. Le sarawil, ce n'est pas bima'na les pantalons, on a là. Kadhalik fa'ida, anna sarawil, c'est le mufrad. Falaf de sirwal, fil arabiya, ce n'est pas comme ça, là, c'est sarawil. Et le pluriel c'est sarawilat. Enfin, quand on dit un sirwal, c'est pas sahih. Un sahih c'est un sarawil. Même si sirat a l'impression que c'est jam', fa fil haqiqa, elle est mufrada. فالسراويل الجمع السراويلات. قال ولا البرنس، البرنس معروف. قال ولا القميص ولا الجبة وغير ذلك من الألبسة المفصلة على الجسم، ولا يلبس الخفين ولا ما يستر ما يستر الكعبين. إيه نعم، إماء دنيال، إماء الإزار والرداء. توسع سيسيتي في حديث ابن عمر في الصحيحين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم il a interdit de porter ces choses pour le muhrim. تنبيه قال الشيخ محمد في فتح العلام حفظه الله من أطلق من الفقهاء تحريم المخيط. المخيط ça vient de الخياطة، أي quelque chose de cousu. فالعلماء يسيد beaucoup أن المحرم il met pas les vêtements بالمخيط، أي cousu. لكن ينتبه هنا أن من أطلق من الفقهاء تحريم المخيط فمراده هو ما ذكره ابن قدامة. Il avait cité avant la parole d'Ibn قدامة رحمه الله من ترك من من ترك عمل أو نعم من ترك عمل على قدر البدن أو على عضو من أعضائه، وليس المراد ما حصل فيه خياطة مطلقا. نعم المخيط المنهي عنه، العلماء ils l'ont appelé makhit pour te démontrer que c'est un vêtement qui est façonné, que ce soit bilkhiyata ou autre, qui est façonné la forme d'une partie du corps. On a donné l'exemple t-shirt, le sous-vêtement, etc. Qu'il est cousu, qu'il soit cousu amna. De nos jours, ربما tu trouves un vêtement l'un et ils l'ont façonné, ils l'ont fabriqué, ربما il n'est pas cousu. Lakin c'est la forme d'un membre. Par exemple, certains sous-vêtements. Hada c'est même nous. Qu'il soit بخياطة أم لا. هذا c'est مفهوم. Et tu trouves des choses فيها خياطة كالنعال par exemple les sandales elles sont cousues et c'est autorisé pour le muhrim. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله قال وللمحرم عقد. نعم et on va نعم on cite ce كلام لأن il va citer النعال et on en profitera il y a des فوائد في هذا الكلام. قال وللمحرم عقد أطراف الإزار وشده بخيط. اي نعم ça c'est permis pour le muhrim. انه il peut attacher son izar avec khayt, avec une ficelle مثلا او une ceinture. هذا يجوز. قال وشده بخيط او حزام او ما تحفظ به النقود. كذلك نعم ils vendent في السعودية c'est répandu période de الحج ou العمرة ils vendent beaucoup une ceinture pour attacher ton izar et en même temps il y a comme une sacoche pour mettre ton argent etc. Tout ça c'est mubah. كذلك les sacoches c'est mubah, les lunettes c'est mubah pour le muhrim. قال ولو كان مخيطا ولو si c'est cousu c'est mubah. قال وكذا النعال اذا كانت مخيطا. نعم كذلك les sandales ولو si c'est cousu فلا حرج في هذا. قال وللمحرم أيضا لبس الخاتم والساعة. كذلك pour le muhrim il peut mettre il a l'habitude de porter une bague et une montre فلا حرج. فهذا بعض المسائل تتعلق بالإحرام ولباس الإحرام. على كل حال المحرم il met pas on parle de الرجل أما المرأة سيأتي. المحرم الرجل il met pas des vêtements qui ont été façonnés, qui ont été cousus pour les porter pour un membre qu'un t-shirt et autre. Il met l'izar ou le rida. Voilà, mais s'il porte des lunettes, il porte ses lunettes. Kadalik une sacoche pour son argent, ses papiers. Kadalik des ni'al. Voilà aussi elles sont cousues. Tout ça, il y a tous. Baqiya shay min al waqt. أم نكتفي بهذا؟ أي نعم نكتفي بهذا. On résume le cours أن on a cité الأنساك الثلاث القران والإفراد والتمتع وأنا دمت خان التمتع سدي أفضل كما قال كثير من أهل العلم. Et on a vu أن celui qui fait le hajj commence par l'umrah. فquand il arrive à Mecca أولا يفعل une عمرة et on a expliqué مجملا أنه il se met en état d'ihram. On a commencé à détailler. ثم يفعل الطواف بالبيت ثم يفعل السعي ثم يحلق رأسه أو يقصر الحلق c'est أفضل ثم يحل ثم il est حلال ثم le 8e jour de Dhul Hijjah commence, avant de commencer le hajj, il se remet en état d'ihram pour le hajj, et il dit labbaik allahumma bihajj, et il fait son hajj, inshallah ta'ala. Et on a commencé les détails, fait l'ihram, et on continuera le prochain dars. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadat. Ila huna subhanak lahum hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.